Louise Queberto. Le Tate Modern est un musée d'art moderne qui se situe au centre de Londres, à Bankside, dans le district de South Park plus précisément, sur la rive droite de la Tamise au Royaume-Uni. Il a été inauguré le 11 mai 2000, après 4 années de chantier, et accueille aujourd'hui près de 6 400 000 visiteurs par an, gratuitement, ce qui fait de lui le musée d'art moderne le plus visité au monde. Ce musée insolite s'est construit dans une architecture particulière. En effet, c'est à l'intérieur d'une usine désaffectée de Bankside que l'entreprise Herzog & de Meuron s'est chargée de reconvertir le bâtiment en musée d'art. Contrairement à la construction initiale de l'usine qui suscitait quelques polémiques, sa réhabilitation en musée a fait l'unanimité. La volonté des architectes du musée était de valoriser l'image d'un passé industriel tout en limitant les résidus encombrants. L'extérieur du musée n'a donc été que très peu modifié pour permettre de garder cette image, tandis que l'intérieur, lui, réaménagé, permet aujourd'hui d'accueillir des installations de grande dimension. Le musée se regroupe donc en trois grandes parties. La partie principale, appelée Boiler House, construite dans l'usine désaffectée. L'extension du musée, la Switch House, conçue par les mêmes architectes et ouverte en juin 2016, accolée à la centrale électrique désaffectée du Tate Modern. Et enfin, les Oil Tanks, les deux anciens réservoirs de l'usine, qui accueillent les performances, les danses et le cinéma expérimental. Une autre particularité du musée est la façon dont sa collection est organisée. Au lieu de suivre un parcours chronologique, les œuvres sont regroupées par thématique. Elles s'étendent ainsi sur 7 niveaux, mélangeant expositions permanentes et temporaires. On y retrouve la collection d'art moderne et d'art contemporain national et international, datant de 1900 à nos jours, provenant initialement de la Tate Gallery, une organisation de musées britanniques. La liste des expositions que le Tate Modern accueille est très longue, mais on peut y retrouver des artistes connus de tous, tels que Salvador Dali avec la métamorphose de Narcisse, Andy Warhol avec Diptyque Marilyn, ou encore Pablo Picasso avec les trois danseuses.